Dans ma tête ça se mélange, un souvenir, un rêve, un film. J'ai vu le début et la fin, au milieu un battement de cils. Elle est partie avec mes doigts, comment tu veux que je tourne la page? On s'était dit qu'on le vivrait, mais je suis tout seul au dernier étage. C'est comme si toutes les filles c'est toi, quand je suis dans la ville ou dans le trône. J'en ai ramené combien chez moi qui ont dû partir à cause de ton fantôme. Les dernières que j'ai vues avaient tout au moins ta mâchoire, tes yeux. Et quand j'écris tu réponds plus, je commence à croire que c'est mieux. Un jour elle m'a dit, l'homme que j'aimais il est mort. Moi j'ai rien compris, j'étais bien vivant et je le suis encore. C'est vrai. Il reste plus rien, je compte les amis sur une main. Merde. Et personne comprend, on doit faire semblant d'être surhumain. Petite lumière, hey. Sans toi je sais plus quoi faire, j'sais pas. Mais je dirais rien, tu connais mon caractère. Je suis beaucoup trop fier, mais sans toi comment je m'éclaire? Comment? Plus rien à aimer, plus de raison de faire la guerre. Petite lumière, sans toi je sais plus quoi faire, hey. Mais je dirais rien, tu connais mon caractère. Je suis beaucoup trop fier, mais sans toi comment je m'éclaire? Plus rien à aimer, plus de raison de faire la guerre. Yeah. C'est pas moi qui t'ai brisé, mais c'est moi qui paye. Y'a des choses qui changent pas ce soir, c'est encore moi qui veille. C'est moi. C'est tout ce qu'on a vu trop tôt qui nous a rendu parano. Je veux plus toi dans ma vie, mais je peux pas te laisser être touché par un autre. C'est noir. Le jour et la nuit, mais l'impression qu'on est pareil. Les coucheries, je peux pas les compter, mais le cœur est toujours à l'arrêt. Toujours. Et pourquoi tu m'écris ce soir? C'est un truc de taré. On dirait que tu le sens quand dans mon esprit, enfin tu commences à disparaître. Je dois faire le deuil, je sais, blancher la feuille. J'aurai ton nom sur la peau jusque dans mon cercueil. À mort. Je dois faire le deuil, je sais, blancher la feuille. Les hommes pleurent pas, j'ai juste un truc dans l'œil. Petite lumière, hey. Sans toi je sais plus quoi faire, j'sais pas. Mais je dirais rien, tu connais mon caractère. Tu connais. Je suis beaucoup trop fier, mais sans toi comment je m'éclaire? Comment? Plus rien à aimer, plus de raison de faire la guerre. Petite lumière, sans toi je sais plus quoi faire, hey. Mais je dirais rien, tu connais mon caractère. Je suis beaucoup trop fier, mais sans toi comment je m'éclaire? Plus rien à aimer, plus de raison de faire la guerre.